Chapitre 15e. Fatale libération. Ce fut la cloche de beffroi sonnant les 8 heures qui sortit Corentin de son sommeil. « Pourquoi ne m'as-tu pas réveillé ? » reprocha-t-il à Armande. « Je t'ai laissé dormir, car hier tu es rentré bien tard. Je peux savoir où tu es allé. Tu étais tellement fatigué que tu ne t'es même pas déshabillé. Tu n'as pas bu au moins. Mais non, tu sais bien que je ne bois jamais. Je n'arrivais pas à dormir et je suis allé faire un tour dans le quartier. Hein ? » fit Armande, songeuse. « Au lieu d'aller faire un tour, tu aurais pu avancer ton travail de sculpture. Ça t'aurait détendu et au moins tu n'aurais pas risqué d'attraper la mort. » Elle comprit qu'elle n'obtiendrait pas d'autres précisions. Quant à Corentin, il avait scrupule à révéler à son amante une action bien peu reluisante, que d'ailleurs il ne s'expliquait toujours pas. Tout s'était passé comme si un autre avait habité son corps. Cette fois, la victime n'était pas tombée toute seule sur sa canne, il avait bel et bien frappé avec une force hors du commun. Il ne se connaissait pas de tels instincts meurtriers et ne s'en expliquait pas la raison. Aurait-il fini par tuer Larieux s'il n'était pas mort tout seul? Y avait-il 2 hommes en lui, un assassin doublé d'un paisible et honnête artisan? Bof, finit-il par se dire, si ça se trouve, je l'ai simplement assommé. Il lui fallait sortir dans le quartier, les oreilles aux aguets pour aller pêcher des informations sur les événements de la nuit. Il mangea un morceau de pain, avala un verre d'eau claire et s'habilla complètement, en remettant son écharpe sous le chapeau. « Mais où vas-tu comme ça? Tu as mal aux oreilles ?» interrogea Armande, un peu alarmée. « Je vais voir ce qui se passe. Je vais aller à la maison commune, » répondit Corentin, laconique. « Puisque tu ne me dis pas pourquoi, je vais avec toi, » dit-elle en passant sa pèlerine. « Mais non, Armande, reste ici. Dis, c'est comme ça que tu conçois la vie à deux. Si ça continue, tu vas me faire regretter de ne pas être resté avec Anicet. Allez, viens, » déclara-t-elle en le prenant par le bras. Corentin finit par céder. Il prit sa canne, ce qui ne manqua pas d'étonner Armande. Il ne savait absolument pas s'il allait lui dire un jour ce qui s'était passé la nuit précédente. Il décida de laisser faire le cours des événements. Armande les dirigea vers la rue du Griffon, mais contre leurs habitudes, Corentin la força à prendre la rue Gibelin. « On ne passe jamais là, Corentin, pour aller sur la place de la mairie, » remarqua-t-elle. « Je sais, mais tu comprends par là, dès qu'on est dans la rue de la Grande Horloge, on peut voir ce qui se passe sur la place. Oui, et alors ? S'étonna Armande. Eh bien, s'il y a du grabuge, nous passerons par ailleurs, mentit Corentin. En réalité, il voulait emprunter le voisinage de la rue du Plan, où la veille, il avait oxy l'acolyte de Larieux. Peut-être apprendrait-il ce qu'il était advenu de lui. Par chance, il rencontra un ouvrier de la commune, dont une des tâches consistait à ramasser les cadavres sur la voie publique. Ouloul, toujours de l'ouvrage ? Rien de nouveau cette nuit ? Ah, du nouveau, aux casernes, il y en a, Gassin. En ce moment même, ça chauffe. Je ne serais pas étonné d'avoir bientôt de la besogne de ce côté-là. Oui, mais ici, dans le quartier, insista Corentin. Ah, ici? Cette nuit, un coquin s'est fait oxyre dans une bagarre juste là derrière, dans la rue du Plan. Et il en est mort? Demanda Corentin ingénument. Bah, c'te question, de Ségur, repartit l'homme. Mais qu'est-ce que ça peut te faire qu'un malandrin se soit fait tuer, s'étonna Armande. D'un côté, Corentin savait qu'il n'aurait plus rien à craindre du complice de Larieux. D'un autre, il avait la confirmation qu'il avait bien assassiné un homme. Il ne put répondre à Armande qui l'entraîna sous le beffroi. « Allez, viens, tu as entendu, il y a du vilain aux prisons. » D'ici à ce qu'ils aient fait main basse sur Pascalis. Au moment où ils passaient devant le portail de la mairie, ils aperçurent un groupe, Émeric David en tête, qui courait vers le bas de la place. Sans se concerter, le couple courut derrière lui. « Je te l'ai dit, Toussaint, nous allons arriver trop tard. »« Oh, Miladius !» gémit un des conseillers. On venait de prévenir le conseil municipal de la violation des prisons et de la prise de corps des prisonniers. « Vous arriverez trop tard !» avait ajouté le messager, ramenant les écharpes des conseillers molestés. « Ils auraient pu nous avertir plus tôt, ces abrutis !» rageait le vice-maire. « Vite, vite !» Trouvant les rues désertes, ceux qui couraient comprirent qu'effectivement, le cœur de l'action devait se dérouler sur le cours. Parvenus enfin là, l'horrible spectacle qui s'offrit à leurs yeux les consterna. « C'est trop tard !» s'écrièrent-ils. Armande manqua de défaillir et s'agrippa au bras de Corentin. Non loin du cercle Guyon, Pascalis se balançait au bout d'une corde, pendu à un réverbère. Un lourd silence régnait sur la foule, foudroyée par cet effroyable dénouement. Un peu plus bas, les forcenés venaient juste de pendre également de la roquette à un autre réverbère. Épouvantés, Émeric David proposa de les dépendre, pensant qu'ils étaient peut-être toujours en vie et qu'il était encore possible de rattraper cette catastrophe comme on efface une image de cauchemar. « Oui, si fait, dépendez-les, nous leur couperons la tête et nous la porterons à Marseille, » dit un jeune garde national d'un ton goguenard. Horrifié, Émeric David lui répondit « Retirez-vous, monstre, que je ne vous connaisse pas !» Puis après cet épisode, la foule reprit sa hargne et menaça les conseillers de ses fusils. Comprenant que tout était perdu, les administrateurs reprirent le chemin de la mairie, la mine basse. Le mot du garde national avait fait son chemin, et les corps furent promptement dépendus. Le valet de l'exécuteur décolla la tête des deux victimes, là, à même le pavé. Armande s'évanouit à demi et Corentin réfréna une nausée. Ils s'écartèrent de la scène, comme s'ils craignaient qu'on leur coupât également la tête. Soudain, Corentin sentit deux mains peser sur ses épaules. Se tournant, il reconnut Anissa et Manon, tous deux blancs comme des linges. Les quatre amis tombèrent dans les bras les uns des autres et sanglotèrent d'horreur et de désespoir. « Je savais que ça finirait mal, » bredouilla Anissa, « mais je n'aurais jamais imaginé qu'on allait aussi loin. »« Ces hommes ne sont plus des hommes, ce sont des bêtes immondes !» gronda Corentin. Du coup, il accepta plus facilement le fait d'avoir débarrassé le monde d'un nuisible la nuit précédente, car sans aucun doute, le complice de Larieux aura fait partie de cette même engeance. Toutefois, la réaction des quatre amis leur valut quelques regards torves de ceux qui les avaient entendus. La tête de Pascalis fut plantée sur une pique et ce sanglant trophée commença un voyage triomphal. Celle de la Roquette fut pendue à la branche d'un ormeau juste en face du café Guyon. Entendant moins de bruit, Jeanne et Angèle avaient jugé qu'il était maintenant possible de rentrer sans encombre. Malheureusement, au débouché de la rue Saint-Jean, elles tombèrent juste sur cet horrible spectacle. Angèle poussa un cri inhumain et se précipita comme une possédée dans la rue des Carmes. Tout en courant, elle continuait à pousser des hurlements déchirants qui la firent prendre pour une folle. Jeanne tentait de la rejoindre en gesticulant et en criant son nom. « Angèle, Angèle, reviens, reviens !» Finalement, elle se contenta de ne pas la perdre de vue. Angèle remontait vers la mairie et Jeanne, un peu rassurée, pensa qu'elle allait rentrer à la maison. Non loin de là, les deux couples avaient reconnu la voix de Jeanne et décidèrent de se diriger dans la direction des cris, comprenant qu'il devait certainement se passer un malheur. Tout en courant à demi, ils échangeaient des lamentations, estimant qu'ils vivaient décidément des moments désastreux. « Pourquoi en arriver là ?» disait Anissa, « si ce n'est pour le plaisir de tuer et de voir couler le sang ?»« Les antipolitiques veulent construire la révolution sur des monceaux de têtes !» vociférait Manon. « Franchement, je commence à regretter comme c'était avant. » « Tais-toi, malheureuse !» l'interrompit Armande. « Tu veux nous faire aussi couper la tête ?»« Elle a raison !» ajouta Corentin. « Vous avez vu comme ils nous ont regardés quand on a lâché une larme ?»« La liberté, tu parles !» ironisa Armande. « On est libre de fermer sa gueule ou d'aboyer avec la meute, la belle liberté que voilà !» Anissa ramena tout le monde au calme. « Allez, dépêchez-vous, je ne vois plus Jeanne. Je me demande bien pourquoi elle galopait comme ça. » Jeanne ne comprit pas pourquoi Angèle avait pris la rue de l'Official et la rue des Orfèvres pour entrer à la maison. Il y avait un chemin plus court. Elle aperçut Angèle arriver devant le portail de la mairie. Mais le temps de tourner la tête, elle la perdit de vue. Mais où est-elle passée, nom de Dieu? S'il avait tourné à droite ou à gauche, l'aurait vue. Angèle a dû entrer dans la mairie, il n'y a pas d'autre solution. Jeanne s'y précipita, mais n'aperçut pas son amie. Sous le porche, son air égaré et son essoufflement alertèrent un employé. « Si tu cherches la folle, citoyenne, elle a pris l'escalier là, à droite. » Jeanne se précipita dans cet escalier et se mit à appeler Angèle. Arrivée au deuxième étage, elle trouva que les marches étaient plus hautes et plus étroites, comme si les bâtisseurs avaient un peu raté leur calcul. Elle dut reprendre son souffle avant de continuer. Soudain, elle aperçut sur le côté une petite porte de bois restée entr'ouverte. Elle s'engagea alors dans un nouvel escalier en colimaçon, comprenant qu'elle se trouvait maintenant à l'intérieur même du beffroi. « Angèle ? » appela-t-elle d'une voix plus douce. Personne ne lui répondit. « Mais que va-t-elle foutre là-dedans » ragea-t-elle. « Elle est vraiment devenue folle. » Quelques secondes suffirent pour la plonger dans une obscurité quasi complète. Les marches étant très étroites et irrégulières, elle buta, tomba à quatre pattes et se meurtrit un genou. Jeanne comprit que si elle voulait parvenir à continuer son escalade, il fallait qu'elle gravît les marches en s'aidant des mains. Tâtant la paroi avec la tête. Tout en peinant comme une bête de somme, elle continuait à appeler Angèle qu'elle entendait ahner au-dessus d'elle. Bientôt, un peu de clarté revint, et après s'être cogné le front à une poutre, Elle déboucha dans une petite salle carrée d'une toise de côté, munie d'une fenêtre grillagée. Le sol était entièrement occupé par un grand disque de bois auquel étaient fixées quatre statues de bois peint. Elle comprit alors qu'elle était dans le local des sculptures que l'on faisait apparaître en fonction des saisons. Angèle devait être encore plus haut. Jeanne reprit donc son ascension avec encore plus de difficultés. Certaines marches étaient si courtes qu'on ne pouvait y poser que la pointe du pied. Jeanne était obligée de tâtonner du bout du soulier et de la main pour chercher ses prises comme si elle escaladait une paroi rocheuse. Angèle, à demi folle, avait dû grimper bien plus vite, comme un chat, sans en mesurer les risques et sans sentir les blessures qu'elle devait se faire. Enfin, Jeanne perçut de nouveau de la lumière et une ouverture apparut par laquelle on pouvait voir une rampe ouvragée. C'était le balcon qui faisait le tour complet du beffroi. Jeanne posa le pied sur cette avancée et sa gorge se serra à étouffer. Angèle était penchée sur le garde-corps surplombant la place de l'hôtel de ville. Jeanne comprit immédiatement. Sans bruit, elle s'avança. Ce fut un des moments les plus dramatiques de sa vie. Elle devait se montrer ferme alors que le vide l'attirait dangereusement et que son cœur battait la chamade. Elle saisit promptement Angèle par la taille et la maintint fortement. La sœur se mit à pousser des cris et à se débattre furieusement. « Lâche-moi, mais laisse-moi, bougresse !» Jeanne reçut des coups de talon dans les tibias, des coups de coude dans les côtes, mais continua à enserrer fermement Angèle de ses bras. « Que vas-tu faire, grande folle ? Ne vois-tu pas que tu vas insulter Dieu ? C'est ça, la foi que tu as, dis ? Tu parles d'une bonne sœur. Elle est belle, ta religion, tiens. Dieu s'en fout de nous, il n'existe pas. Il m'a trompé comme il a trompé tous les hommes. Il nous a abandonnés. Je n'ai plus personne et je ne crois plus en rien !» cria Angèle, qui avait décidé de faire le tour du beffroi en se tirant à la rampe. Jeanne continua à la gripper sans réussir à l'arrêter. En dessous du beffroi, des curieux s'étaient attroupés, regrettant déjà que cette idiote de Jeanne ait empêché Angèle de faire un beau vol plané. « Comment, tu n'as plus personne ? Et moi, dis ? Je dégaine ? Je t'en prie, Angèle, si tu ne le fais pas pour ton Jésus, fais-le pour moi. Si tu te jettes, je me jette avec toi, parce que si tu me quittes, moi non plus je n'aurai plus personne. Je n'aurai plus de raison de traîner ma carcasse dans ce monde pourri. Je t'en supplie, ma sœurette, reste avec moi. C'est toi-même qui l'as dit, que tu serais bien avec moi. » Tout en parlant, Jeanne avait un peu desserré son étreinte et caressé les cheveux d'Angèle, ses joues, ses lèvres. « N'aie plus peur, mon cœur, je t'aime, moi. Et je te garantis que je t'aime bien plus que ton Jésus. Moi, je ne t'abandonnerai jamais, » dit-elle en piquant de petits baisers sur le front de son amie. Angèle se mit alors à trembler de tout son corps et éclata en lourds sanglots, sans pouvoir reprendre sa respiration. « C'est vrai, tu m'aimes ? » parvint-elle à bredouiller. « Mais pourquoi tu m'aimes ?» À son tour, elle embrassa timidement Jeanne sur la joue, en reniflant bruyamment. « Mais qu'est-ce que ça change que tu saches pourquoi ? Tu es trop compliquée, ma fille. Laisse-moi t'aimer et prends le bon côté de la vie. Dieu n'a pas fait que des vilaines choses. Il t'a faite pour que je puisse t'aimer et trouver un sens à ma vie. Il m'a faite pour que je m'occupe de toi et que je te protège. Oublie tout ce qu'il y a de mal et regarde comme tout peut être beau. Bé, tu vois le clocher de Saint-Jean de Malte ? Et regarde, là, la cage de la cloche du Saint-Esprit. Viens, derrière on doit voir le clocher de la cathédrale. Oh, et puis là-bas, tu vois, Sainte-Victoire ? » Regardez au loin, apaisa Angèle, et calma un peu le vertige de Jeanne. « Allez, viens, » commanda-t-elle, « que si ça continue, on va nous prendre pour les nouveaux Sanctibelli du beffroi. » Jeanne arriverait-elle un jour à avouer à Angèle qu'elle éprouvait pour elle une attirance qu'elle n'avait jamais ressentie pour aucun homme ? Pourrait-elle lui dire combien elle aimait le grain, l'odeur de sa peau, le son de sa voix, ses cheveux, ses doigts, même ses silences ? Sans la toucher, Angèle était capable, par sa seule présence, de lui procurer bien plus de plaisir qu'aucun homme ne lui eût jamais donné. « Et puis, se dit-elle, qu'importe qu'elle le sache ou non, l'essentiel c'est qu'elle me laisse l'aimer à ma manière. » Toujours sans lumière, la redescente fut un cauchemar encore pire que l'ascension. Les deux femmes comprirent bien vite qu'elles devaient adopter la même position qu'à la montée. Toutes deux se râpèrent le ventre, les coudes et les genoux sur plus d'une marche. Quant à leur crâne, il était couvert de bosses. Lorsqu'elles arrivèrent en piteux état au bas de l'escalier, un officier, flanqué de gardes nationaux, les attendait de pied ferme. « Vous trouvez que les choses vont si bien que ça, que vous pouvez vous permettre de faire les ânesses dans le beffroi ? J'ai bien envie de vous calmer avec une semaine de cachot. »« Excusez-la, monsieur l'officier, » répondit Jeanne du ton le plus humble possible. La tête coupée de Pascalis lui a tourneboulé le teston. Mais maintenant elle est calmée, elle ne vous fera plus d'ennui. Encore pardon pour le dérangement. Allez, fichez-moi le camp toutes les deux et que je n'entende plus parler de vous, c'est clair. Les deux femmes se prirent par le bras et s'esbignèrent tête basse, pendant que l'officier pestait contre celui qui n'avait pas fermé la porte du beffroi à clé. Sur la place, elles retrouvèrent leurs amis qui les attendaient, rongés d'inquiétude. Jeanne n'eut pas besoin de leur expliquer quoi que ce fût. Ils avaient compris d'eux-mêmes ce qui avait provoqué la réaction d'Angèle. Cette dernière dut toutefois subir embrassades et caresses, même des deux hommes qui lui sourirent le plus affectueusement possible. « Angèle, n'oublie pas que tu as maintenant une famille, » lui dit Manon. « Tu vas voir, tout va bien se passer à partir de maintenant. »« Oui, » renchérit Corentin, « je crois qu'il va être difficile de se surpasser dans l'horreur. Pour ma part, j'ai eu ma dose, et désormais je me tiendrai à l'écart de tout débordement. » « Sage décision, » conclut Anisset. Rentrant chez eux, au coin de l'impasse des Aiguesiers, ils trouvèrent Hyacinthe, le visage décomposé. Il n'arrêtait pas de se tordre les mains comme un demeuré. « Alors, vous avez vu? Vous savez ?» demanda-t-il. « Bien sûr, on en arrive. Je crois qu'il n'y a plus rien à en dire, » déclara Armande. « Oui, mais moi, les amis, j'étais dans la prison, chez mon cousin le geôlier, quand ils sont venus chercher les prisonniers. » Ah, si vous aviez vu comment ils ont traité les officiers municipaux! Sans le savoir, Hyacinthe remuait la nausée que chacun avait éprouvée et voulait pour un temps oublier. Écoute, Hyacinthe, ce n'est pas nécessaire de nous parler encore de tous ces événements. On en a une estouffade, tu le comprends? Si tu veux nous faire plaisir, paye-nous à boire et parle-nous d'autre chose, osa lui dire Jeanne. Bon, bon, j'ai compris. On va pas rester là, dans la rue. Venez chez moi. Oui, tiens comme ça, tu prendras les mesures pour une paire de bons souliers pour Angèle, ajouta Jeanne. À l'heure où cette scène se passait, la tête de Pascalis voyageait sur la route de Marseille, au son des chants et des rires de la horde sanguinaire. Arrivée au relais de poste du Pin, à mi-chemin de Marseille, elle fut arrêtée par les gardes nationaux qui obligèrent les forcenés à enterrer la tête dans un champ voisin. Dans la soirée, Guiramant fut arrêté dans la bastide de Valbriand, près de Mereuil. Au passage devant les casernes, les mêmes slogans assassins du matin résonnèrent. Finalement, il fut conduit sur le cours, où il fut pendu incontinent face à l'hôtel d'Esparron.